François Rouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études développement du loisir pêche pour la Fédération Meurthe-et-Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et on va vous retrouver au cours de ce mois d'août pour nous parler, bien sûr, de la pêche. Pour cette première chronique, on va parler de la pêche en été, une activité donc à redécouvrir. Oui, une activité à découvrir ou à redécouvrir. Alors, on vous propose de tout simplement d'aller à la pêche cet été. Tout simplement. C'est accessible, c'est pas cher, c'est une activité de proximité. On habite toujours plus ou moins proche d'un point d'eau dans lequel on peut aller à la pêche. Et en fait, c'est une activité qui est universelle parce qu'on peut partager ça avec ses amis, on peut emmener ses enfants, on peut y aller tout seul, quelles que soient nos attentes. C'est une activité dans laquelle on peut se retrouver. À partir de quel âge on peut se lancer dans la pêche ? Oui, à partir de 5-6 ans, on peut tenir une canne à pêche tout seul. Et puis, évidemment, en étant accompagné, on peut attraper ses premiers poissons. La pêche, donc, vous l'avez dit, on peut la pratiquer dans différents endroits, en étant dans le canal, sur la Meurthe ? Voilà, étang, canal, rivière, la diversité des parcours est assez intéressante, notamment en Meurthe-et-Moselle. On est une région qui a pas mal d'eau, un réseau hydrographique assez dense. Et comme je le disais, on a une large diversité de techniques. Alors ce que je vous propose, c'est de vous présenter une technique assez sympa pour l'été, avec laquelle on peut pêcher en famille, on passe un agréable moment. C'est ce qu'on appelle la pêche à la brouillée. Alors la brouillée, c'est quoi ? C'est en fait, on rentre dans l'eau, donc c'est de la pêche en rivière, hein. On trouve une petite rivière, alors on viendra sur les coins de pêche un petit peu après, mais une petite rivière avec un peu de courant. Pas trop d'eau, et en fait on rentre dans l'eau en basket, en short, on brouille l'eau, c'est-à-dire on remue le fond de l'eau avec ses pieds, et en fait ça attire les poissons, ça fait un petit nuage de sédiments, les poissons se disent « tiens, il y a à manger » parce qu'on soulève le dessous des cailloux sous lesquels vivent les larves aquatiques, et les poissons se nourrissent de ça. Et c'est une pêche toute simple en fait, vraiment avec une petite canne, une petite canne de 3 mètres sans moulinet, hein, une petite ligne, un asticot, un petit ver de terre, et on pêche à l'aval du coup de ce petit nuage qu'on fabrique en remuant les pieds dans l'eau. Donc quel poisson on peut prendre avec cette technique ? Des perches, tout ce qui est petit poisson blanc, donc gardon, ablette, rotangle, allez, une petite dizaine d'espèces en tout qu'on peut attraper, et on fait souvent des belles bourriches, et c'est assez ludique, c'est vraiment funky pour les enfants, parce que bah, ça permet aussi de faire une petite bataille d'eau une fois qu'on a attrapé tous les poissons, et puis ça rafraîchit un petit peu. Alors quelques conseils quand même de prudence par rapport à cette technique là, parce que on est dans l'eau, on fait attention à l'aval des barrages parce que l'eau peut monter, donc il faut se renseigner, d'accord ? Évidemment, protection solaire, chapeau, casquette, on s'hydrate, c'est des conseils universels de prudence quand on est dans une activité extérieure. Et attention de ne pas se mettre aussi dans un courant trop fort par rapport à ça, ou avec une zone trop profonde. On est au bord de l'eau, à la pêche, on fait quand même toujours très attention avec ça. Surtout avec les enfants, la profondeur c'est quoi ? C'est 20-30 cm, pas oui, plus ? Voilà, une quarantaine de centimètres. Quarantaine, c'est, ouais. C'est ça, voilà. Pas un courant trop fort, sinon la ligne dérive aussi un petit peu trop vite. On s'ennuie pas parce que, en fait, vu qu'on pêche dans le courant, on est sans arrêt en train de poser sa ligne, de faire la dérive du bouchon, de le relever, de faire la dérive. Donc voilà, on est toujours en mouvement. C'est pas une pêche d'attente, quoi. C'est une pêche assez, on va dire, assez active. Même d'accord. Si ça reste de la pêche au cou. Donc c'est une des techniques de pêche, il y en a énormément. Oui. On reviendra dans d'autres chroniques, j'imagine, sur d'autres techniques. Oui, bien sûr. On pourra parler de la pêche au leurre, de la pêche à la mouche, de la pêche de la carpe, de la pêche du silure. En fait, on a... c'est ça qui est intéressant dans la pêche, c'est qu'on a une telle diversité de poissons et de parcours et de techniques qu'on peut vraiment mixer plein de choses et encore une fois y trouver son compte. Et la pêche, on peut y aller une demi-heure après le boulot, ou on peut partir pendant une semaine, on fait ce qu'on veut. Voilà. Merci François Rouillon, avec vous on va donc découvrir pendant ce mois d'août tout ce qui concerne la pêche, la réglementation aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Tout à fait, il faut une carte de pêche, on en parlera juste après. Plus d'infos sur le site de la Fédération de Meurthe-et-Moselle, je vous laisse donner l'adresse. Oui, c'est www.pêche-54.fr, le tiret étant le petit tiret du 6, le trait d'union, voilà, pêche-54.fr. Merci.